Privatisation rampante. C'est peut-être en réponse aux difficultés sur certains terrains extérieurs qu'a été envisagé le plus sérieusement du monde de sous-traiter au secteur privé des opérations d'infiltration. Fin 2017, on apprenait par le site BuzzFeed que des plans étaient à l'étude pour implanter de vastes réseaux de renseignements dans les zones interdites, c'est-à-dire les environnements étrangers jugés hostiles. Ces réseaux recruteraient et manipuleraient des agents locaux, mèneraient des opérations psychologiques, captureraient des suspects de terrorisme et les livreraient aux États-Unis ou à des pays tiers. L'extrémisme islamique était mentionné comme la cible principale des propositions. Selon BuzzFeed, l'une des propositions concernait Amintor Group, une société privée basée au Montana et qui emploie d'anciens agents américains qui disposent d'autorisations de sécurité. L'évolution vers la privatisation de certaines opérations de renseignement semblait motivée par le sentiment, au sein de l'administration Trump, que la CIA avait une opinion négative de la Maison-Blanche et n'était pas prête à suivre les efforts de l'administration Trump pour rendre les opérations beaucoup plus vicieuses, selon les mots du directeur Mike Pompeo. Il voyait donc la privatisation comme un moyen de contourner la résistance et le scepticisme au sein de la CIA. La privatisation du renseignement américain semble bien être devenue une tendance lourde dans les années 2010, et pas seulement au profit des États-Unis. Des dizaines d'anciens espions de la CIA ont été recrutés par les Émirats arabes unis, dont la famille régnante tentait de créer un nouveau service d'espionnage sur le modèle de la CIA. Selon Jenna McLaughlin, journaliste spécialisée dans le renseignement du magazine Foreign Policy, les contractants occidentaux sont payés 1 000 $ par jour pour leur service. Ils résident gratuitement dans des hôtels 5 étoiles à Abu Dhabi, tout en aidant les Émirats arabes unis à créer leur propre empire de l'espionnage. En raison de cette rémunération lucrative, il est difficile pour les anciens espions de refuser les invitations à rejoindre une poignée de sociétés de conseil occidentales qui dirigent les efforts visant à créer un cadre de renseignement professionnel modelé sur celui de l'Occident, explique McLaughlin. Les instructeurs occidentaux dispensent des cours tous les jours à deux endroits différents d'Abu Dhabi. La formation sur le terrain se déroule dans une installation secrète située à proximité de la capitale, copiée sur Camp Peary, connue officieusement sous le nom de La Ferme, la base d'entraînement utilisée pour former les officiers opérationnels de la CIA. L'effort visant à créer une agence de type CIA dans les Émirats arabes unis est mené par CAGN Global Limited, une société de conseil basée à Baltimore, Maryland. Le président de la société est Larry Sanchez, un ancien officier des opérations de la CIA, qui a noué des relations personnelles avec la famille royale régnante des Émirats arabes unis, alors qu'il travaillait sur le contre-terrorisme pour le gouvernement américain au début des années 2000. Il a parfois été rejoint par d'autres anciens espions américains très en vue, tels que le fondateur de Blackwater, Eric Prince, et Richard A. Clarke, qui a été coordinateur national pour la sécurité, la protection des infrastructures et la lutte contre le terrorisme sous les présidents George Bush père et Bill Clinton. Selon McLaughlin, le travail de CAGN Global Limited a fait l'objet d'un examen minutieux lorsque plusieurs agences, dont la CIA, se sont inquiétées du fait que la formation des recrues des services de renseignement émiratis était trop proche de celle dispensée à La Ferme. Le Qatar, émirat voisin et vieux rival des Émirats arabes unis, ne pouvait rester insensible à cette mobilisation. Lui aussi a eu recours à des anciens de la CIA, mais pour des missions sensiblement différentes. Selon le Sunday Times, le gouvernement du Qatar, qui a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2022, a engagé un groupe de relations publiques très en vue et une équipe d'anciens officiers de la CIA afin de saper les candidatures concurrentes, Japon, Corée du Sud, Australie et États-Unis. La décision de la FIFA d'attribuer la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été fortement critiquée, notamment parce qu'elle se déroulera en hiver afin d'éviter les températures estivales caniculaires du Qatar. De nombreux pays d'Europe, d'Amérique latine et d'ailleurs devront donc interrompre leur saison de football afin d'envoyer leurs équipes nationales au Qatar. Le Qatar a fait appel à la société de relations publiques Brown Lloyd James, désormais connue sous le nom de BLJ Worldwide, et à une équipe d'anciens agents de la CIA. Des organisations, des universitaires, des journalistes et des groupes de pression d'Australie et des États-Unis, qui critiquaient les efforts de leur pays pour accueillir le tournoi, ont été financés clandestinement afin de promouvoir leur point de vue. En outre, le BLJ et les anciens agents de la CIA ont compilé des dossiers de renseignements sur les principaux acteurs des candidatures des pays rivaux. Le groupe public du Qatar qui a organisé la candidature du pays à la Coupe du Monde a rejeté les accusations du journal. Il s'agit de simples exemples, et il n'entre pas dans notre propos de cataloguer toutes les missions d'ex-CIA à travers le monde. Mais on voit bien que le mouvement de privatisation des moyens et compétences de la CIA a franchi plusieurs étapes sous la présidence Trump. D'une simple sous-traitance d'opérations techniques pour le compte exclusif des services américains, on est passé à des actions sur des terrains étrangers, et on n'hésite plus à proposer le montage de services calqués sur la CIA, offerts clé en main à des puissances étrangères. Pourquoi pas demain à des multinationales ?